بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Nous avons pu voir dans le cours dernier le troisième événement de la vie du prophète عليه الصلاة والسلام. Et avant de passer au quatrième événement, nous allons faire un petit résumé des cours précédents, brièvement bien sûr. Nous avons appris à travers le premier événement que la première chose que se doit d'accomplir le musulman était de mettre en garde contre l'association, car c'est le péché le plus grave. Tous les péchés, aussi graves qu'ils puissent paraître aux yeux de la majorité des gens, seront moindres que ce péché-là, car il touche le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le plus important. Et le fait de mettre en garde contre l'association, et donc l'appel à adorer Allah seul, n'est autre que la concrétisation de la ilaha illallah, qui est le devoir de tout musulman. Si la personne veut rester vivante dans sa foi, elle se doit de mettre en garde contre l'association et ses dérivés, tels l'athéisme, etc. Le fait de ne plus mettre en garde contre le shirk va amener la personne à une mort de son cœur qui est certaine et qui se traduit par le fait qu'elle ne soit absolument pas dérangée en la présence d'actes ostentatoires d'association ou bien de même vivre parmi eux. Et le fait de mettre en garde contre l'association est le devoir de tout musulman et encore plus ceux suivre la voie du prophète alayhi salatu wassalam et s'autoproclame prêcheur à l'islam. Celui dont la da'wa n'est pas concentrée sur cette base et donc sur le fait d'appeler les gens à extérioriser leur religion, et s'ils en sont incapables, de partir là où ils peuvent l'extérioriser, sont soit des imposteurs ou bien des ignorants d'une ignorance très grave dans leur religion. Ensuite, le deuxième événement que le Cheikh a évoqué, rahimahullah ta'ala, et qui est très très intéressant, c'est la clarté dans le message et en particulier dans la mise en garde. Ne pas se contenter seulement de généralités qui peuvent être acceptées par certaines personnes. Acceptées dans le sens où elles vont tolérer cette chose ou même voir, comme il a dit le shir, istahsanouha. Le fait de dire que c'est pas mal. Un autre problème aussi avec les généralités, c'est que certaines personnes peuvent se penser non concernées. Par exemple, c'est possible de faire un cours sur l'appel à l'adoration d'Allah seul et la mise en garde contre l'association chez des gens qui ont des choses qui rentrent dans l'association mais qui ne se sentent pas concernés. Pareil aussi, on peut faire un cours sur le suivi du prophète alayhi salatu wassalam et la mise en garde contre l'innovation chez des gens qui ont des innovations mais qui ne s'en rendent même pas compte. Ils ne se sentent pas concernés par cette mise en garde. Tout cela pourquoi ? Parce que la personne qui a fait le cours n'a pas été assez claire et n'a pas montré du doigt la chose dans laquelle ils sont tombés. Et les problèmes arrivent quand justement on montre du doigt ou bien on met le doigt là où ça fait mal. Et forcément, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont réagir. Et généralement, ils réagissent très mal. Et c'est ce qui est arrivé au prophète, alayhi salatu wassalam. Et pour fermer cette parenthèse, voilà pourquoi je conseille mes frères et sœurs à écouter les gens qui font mal. Et pas seulement qui essayent d'arrondir les angles à un point où la personne peut se considérer à la khair et dans le bien Alors qu'en fait, elle est très loin de la religion. Il faut comprendre ce qu'implique cette religion, ce qu'implique le fait de se prétendre musulman et que cette chose-là doit chambouler ta vie. On doit vivre pour cela, on doit vivre et mourir pour notre religion, l'appliquer comme Allah nous l'a ordonné, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'ont fait le prophète, alayhi salatu wasalam, ainsi que les compagnons. Voilà pourquoi ils ont été torturés, ils ont subi toutes sortes d'injustices. Et pourtant, comme on l'a vu dans le troisième événement, ils n'ont jamais flanché et ils n'ont pas fait de concessions. Le seul moment où ils ont pensé qu'ils avaient fait des concessions, qu'a fait les polythéistes? Ils ont desserré l'étau et se sont prosternés avec les musulmans, d'après ce qui est venu dans cette histoire. Mais la réalité était tout autre. Aucune concession n'a été faite. Voilà le chemin que doit suivre le musulman. Ne faire aucune concession dans la religion. Et encore moins quand on a en contrepartie une chose vile. Cette chose vile qui est quoi? Qui est la dunya tout entière. Toute la dunya ne vaut rien face à une chose de la religion. Cessons à cause d'une aide ou bien d'un confort ou bien d'un travail de faire des concessions dans la religion. On en a fait trop. On en a fait assez et en particulier, on en a fait sur nos bases, sur les bases de cette religion. Et parmi celles-ci, et c'est la plus haute, le fait de pouvoir ordonner d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de mettre en garde contre l'association et ses dérivés tels l'athéisme, cela nous est devenu impossible, Wallahul Musta'an. Le droit d'Allah, Azzawajal, créateur des cieux et de la terre, a été renié, car ils ont renié sa création. Ils ont tout simplement fait un déni. Pour que vous sachiez à peu près où on est, leur état mental, comparez cela à quelqu'un qui vous dit que n'importe quelle chose que vous voyez sur terre est venue par le fait du hasard. Et cela, parmi les créations humaines, aussi petites soient-elles, telles un stylo, ou bien une brosse, ou bien quoi que ce soit. Si quelqu'un parmi les humains vous dit que cette chose est venue au bout de millions ou même de milliards d'années, comment considérerons-nous ces personnes? Le minimum, je pense, c'est d'appeler l'hôpital psychiatrique pour les faire interner. Il y a des gens qui existent et qui nous disent que toute la création des cieux et de la terre et ce qui est entre eux, telles les montagnes, les océans et ce qui s'y trouve, etc. Et en nous-mêmes, tout cela est le fruit du hasard. Qui est plus à même d'aller dans cet hôpital psychiatrique? Je vous laisse le choix de répondre vous-même. On passe au quatrième événement, Inch'Allah, le mawdi' al-rabi', قصة أبي طالب فمن فهمها حسنا وتأمل إقراره بالتوحيد وحث الناس عليه وتسفيه عقول المشركين ومحبته لمن أسلم وخلع الشرك ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات ثم صبره على المشقة العظيمة والعداوة البالغة لكن لما لم يدخل فيه ولم يتبرى من دينه الأول لم يصير مسلما مع أنه يعتذر من ذلك بأن فيه مسبة لأبيه عبد المطلب ولهاشم وغيرهما من مشايخهم. Le quatrième événement dans la vie du prophète alayhissalatu wassalam est l'histoire de Abi Talib, l'oncle du prophète alayhissalatu wassalam. Avant de rentrer dans ce qu'a dit le shir, il faut savoir que le prophète alayhissalatu wassalam avait quatre oncles. Et là, ce qui est voulu par les oncles, c'est les oncles paternels du côté de son père. Deux parmi eux se sont convertis à l'islam et ils se nomment Al-Abbas et Hamza. Hamza qui est connu un peu de tous. Quant aux deux autres, ils sont morts dans la mécréance, wallahu musta'an. Le premier, Abu Lahab, sur qui est descendu la sourate qui est connue de tous, sourate al-Masad, Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Et le deuxième, Abu Talib, qui est le père de Ali, radiyallahu anhu, le quatrième calife de l'islam. Pourquoi le Cheikh rahimahullah a évoqué son histoire ici, c'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. Et avant cela, se remémorer le fil conducteur du Cheikh. Le premier événement était le fait d'avertir contre le Cheikh. Le deuxième, de le dénoncer clairement et de ne pas se contenter de généralités comme le font certains afin de ne pas s'attiser la colère des polythéistes. Troisième événement, une fois avoir concrétisé cela, ne pas faire de concessions, car forcément, comme cela va attiser leur colère, cela va impliquer des actes de leur part, des actes de torture, de méfaits, etc. Donc, rester ferme sur sa religion et ne laisser aucun mot aux mécréants afin qu'ils puissent nous extirper des choses de notre noble religion. Quatrième événement, et de là on va comprendre la solidité de l'argumentation du Shir, c'est que Abu Talib, malgré tout ce qu'il a fait pour l'islam dans la défense du prophète alayhi salatu wassalam, cela ne lui sera d'aucune utilité. Pourquoi? Car comme le dit le Shir, لما لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول, car il n'est pas entré dans l'islam et ne s'est pas désavoué de son ancienne religion. La preuve de cela, le hadith qui est venu, un hadith terrible. On le dit en arabe. Tout d'abord, لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل. C'est-à-dire quand Abu Talib était sur son lit de mort, le prophète alayhissalatussalam lui est venu, mais malheureusement l'a devancé deux personnes parmi les notables de Quraysh qui sont Abdullah ibn Abi Umayya wa Abu Jahl. Et le prophète de lui dire Ya Am, qul la ilaha illallah, kalimatun uhajju laka biha indallah. Oh mon oncle, cela nous fait penser à la parole d'Ibrahim alayhi salam à son père, Ya Abati. Et là, le prophète de dire Ya Am. Donc, des gens qui sont proches de ces prophètes alayhi salatu wassalam, mais qui sont en état de mécréance et qui le sont restés malheureusement. Donc, le prophète de dire Oh mon oncle, dis La ilaha illallah. Une parole avec laquelle je pourrais témoigner pour toi, Yawm al-Qiyamah. Malheureusement, les deux notables qui étaient avec Abu Talib lui ont dit فَقَالَ لَهُ أَتَرْغَبُ عَمْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. Tu te détournerais donc de la religion de Abd al-Muttalib, donc son ancêtre. Et le prophète alayhi salatu wassalam de continuer son appel et eux de faire de même. Mais malheureusement, comme il est venu dans le hadith, فَكَانَ أَخِرُ مَا قَالَ على انا على ملتي عبد المطلب. La dernière chose qu'il a dite, c'est je suis la religion de Abd al-Muttalib. Il ne s'est donc pas désavoué de la religion de ses ancêtres et n'est donc pas rentré en islam. Mais le prophète de dire malgré tout, la astaghfiranna laka ma lam unha anha. Donc je demanderai pardon à Allah tant que Allah ne me l'interdira pas. Et l'interdiction ne s'est pas fait attendre. Allah a révélé sourate Tawbah 9, verset 113. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents, alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont les gens de l'enfer. Pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a tant désiré la guider de son oncle? D'une part, du fait de la proximité, comme on l'a évoqué, c'est son oncle paternel. Et la deuxième des choses, et c'est là où c'est important, c'est que Abu Talib a eu un impact dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam. En effet, comme l'a évoqué le Shir, rahimahullah, et cela a été évoqué avant cela, chez ceux qui ont écrit sur la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, parmi les savants et les historiens, je cite de Ar-Rahiq al-Makhtoum, qui se traduirait par le nectar cacheté. Les païens mécois décidèrent donc d'effectuer une seconde médiation auprès d'Abu Talib en insistant pour qu'il pousse son neveu, c'est-à-dire le prophète al-Sallam, à cesser ses activités prosélytes. Et entre parenthèses, ce qui colle totalement avec ce que dit le Shir, le fait de dénoncer le polythéisme clairement. Voilà c'est quoi les activités prosélytes, l'appel à l'islam ouvertement et clairement. Et en le menaçant d'entrer en hostilité ouverte contre lui, yani Abu Talib, et le prophète alayhi salatu wassalam, s'il refusait de se plier à leur requête. Je continue. Abu Talib fut profondément déprimé par cette grave menace. C'est pourquoi il envoya chercher son neveu pour lui faire part des propos qui venaient de lui être tenus. Puis il lui dit, c'est-à-dire Abu Talib à son neveu, « Épargne-moi et épargne-toi et ne me fais pas supporter un fardeau trop lourd. » Le prophète alayhi salatu wassalam pensa que son oncle allait l'abandonner et qu'il allait cesser de le protéger. « Aussi, répondit-il, donc ça c'est une phrase connue, « Ô mon oncle, par Dieu, je jure que s'il plaçait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche en me demandant d'abandonner ma mission, je n'y renoncerai pas jusqu'à que Dieu me donne la victoire ou que je périsse dans cette voie. » On voit la détermination du prophète alayhi salatu wassalam et le fait qu'il est déterminé à ne faire aucune concession. Le prophète alayhi salatu wassalam se leva alors et tandis qu'il s'éloignait, son oncle le rappela en disant « Reviens mon neveu » et lorsqu'il fut de nouveau près de lui, Abu Talib lui dit « Va, tu peux prêcher ce que tu veux car par Dieu je ne t'abandonnerai jamais. » Il récita ensuite des vers « Par Dieu, moi vivant, nul mal ne te subira. » Proclame donc ton ordre, ton honneur ne sera atteint. Réjouis-toi et point ne t'afflige. Et cela a été évoqué dans le livre de Ibn Hisham, un historien connu. A été évoqué aussi dans les livres sur la biographie du prophète al-Sallam. Et c'est ce qu'a très bien résumé le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Donc les tentatives de meurtre sur le prophète alayhi salam, mais aussi la mise en quarantaine générale, ce qui se nomme actuellement le boycott. Je cite dans Rahiq al-Makhtoum, donc les païens décidèrent de ne plus traiter d'affaires et de ne plus conclure de mariage avec eux. Et pour ne pas se contenter seulement de ce qui a été évoqué dans les livres de biographie dont l'authenticité est inconnu, rien de mieux que d'évoquer un hadith qui est venu dans le Bukhari, rahimahullah, anil Abbas, un des quatre oncles paternels du prophète, alayhi salatu wassalam, qui s'est converti comme on l'a évoqué. Il demande au prophète, sallallahu alayhi wassalam, et lui dit, « Ma arnait an ammik, fa innehu kana yahoutuk, wa yardab lek. » C'est-à-dire, Al-Abbas a dit à son neveu, le prophète alayhi salatu wassalam, « Tu n'as été utile en rien à ton oncle, bien que par Allah, lui t'a toujours protégé et s'est mis en colère pour te défendre. » Donc voilà une des preuves claires que Abu Talib a été utile au prophète alayhi salatu wassalam. Qu'a répondu le prophète alayhi salatu wassalam? Il est dans un feu très peu profond, et si je n'avais pas intercédé pour lui, il se serait retrouvé au fond de l'enfer. Et dans une autre version, toujours dans le Bukhari, j'espère que mon intercession lui sera profitable et qu'il sera soumis à un feu qui ne s'élèvera pas plus haut que ses talons. Et cette intercession du prophète alayhi salatu wassalam est la seule exception d'une intercession profitable à un polythéiste ou mécréant. Les savants ont classé celle-ci comme étant une exception. Regardez pour Ibrahim alayhi salam vis-à-vis de son père, ainsi que l'intercession de Nuh pour son fils. Aucune d'entre elles n'a été bénéfique pour leurs proches, à l'exception, comme on l'a dit, du prophète alayhi salatu wassalam vis-à-vis de son oncle Abu Talib. Pourquoi le shirk a évoqué cet événement de la vie du prophète alayhi salatu wassalam? C'est que Abu Talib, malgré tout ce qu'il a fait, il a défendu le prophète alayhi salatu wassalam. Il a patienté face aux persécutions des polythéistes et il n'a pas flanché. Mais son grave problème était de ne pas se désavouer clairement de la religion de ses ancêtres. Cela ne lui a été d'aucune utilité. Qu'en est-il alors de ceux qui prétendent aimer la religion, mais ni qui n'appellent à l'islam, c'est-à-dire à la mise en garde contre l'association, et qui en plus font toutes sortes de concessions? Voilà qui sont les gens que vise le shirk rahimahullah à son époque. C'est pour ça qu'il conclut et il dit « وَالَّذِي يُبَيِّنُ هَذَا أَنَّهُ إِذَا عُرِفَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَ أَوْ الْأَحْسَى بِحُبِّ الدِّينِ وَبِحُبِّ الْمُسْلِمِينَ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَنْصُرِ الدِّينَ بِيَدْ وَلَا مَالْ وَلَا لَهُ مِنَ الْأَعْذَارِ مِثْلَ مَلْ يَبِي طَالِبْ وَفَاهِمَ الْوَاقِعِ مِنْ أَكْثَرِ مَنْ يَدَّعِ الدِّينَ تبين له الهدى من الضلال وعرف سوء الإفهام والله المستعان. Et c'est exactement la même chose pour les gens de notre époque. Il se peut qu'ils aiment l'islam et qu'ils aiment les musulmans et qu'ils font la umra, le hajj et qu'ils fassent des sadaqat, mais que malheureusement le grave problème vient dans la base. Ils ne sont aucunement impactés par l'association. Ils cohabitent en toute sérénité avec les associateurs. Certains même respectent leurs croyances et les tolèrent. Ils tolèrent de leur cœur cette injustice immonde. Ou bien, même s'ils savent que c'est la plus grande des injustices, leur cœur n'y réagit plus face à cela. Ils ont tellement pris l'habitude de voir cela qu'ils en sont habitués, wallah al-musta'an. Et on ne parle pas de toutes les concessions qu'ils subissent malgré les graves manquements dans la religion. Ils ne se sont pas contentés seulement de nous enlever les bases de notre religion, chose qu'ils ont réussi à faire chez de nombreux musulmans, mais aussi ils nous empêchent de prier dans les espaces publics, par exemple, alors que la prière est obligatoire pour tout musulman 5 fois par jour. Le hijab religieux est en cours d'être totalement interdit. Ils n'acceptent même pas le hijab qui est tout décoré, avec de toutes les couleurs, etc. Ils n'en veulent plus. Imaginez-vous, certaines sœurs, ne connaissant pas quel est le but du hijab, portent certes quelque chose sur la tête, mais si on voit le reste du corps, il ne sera aucunement différent des habits des mécréants qui sont cirés et qui montrent les atouts de la femme, Allahu al-musta'an. Et les exemples sont nombreux, malheureusement, et peu de musulmans réagissent du fait qu'ils sont attaché à la vie d'ici-bas, comme on l'a évoqué dans le début du cours. Ce qui les retient simplement, c'est ce confort, entre guillemets, qui s'amenuise malgré tout, année après année. Et ce qui est craint, malheureusement, c'est que ces gens-là passent à l'action uniquement si leur dunya est touchée à un point où ils trouveraient mieux dans leur pays d'origine. Wallahu al-musta'an. Voilà pourquoi on se doit de se conseiller mutuellement de faire prévaloir les valeurs de la religion avant toute chose. La religion doit passer avant toute la dunya. Si on t'offre toute la dunya d'un côté, mais qu'on t'empêche d'appliquer une chose de la religion, tu te dois de faire prévaloir ta religion, qui sera une cause, inshallah, de ton entrée au paradis. Et comme Allah il le dit, subhanahu wa ta'ala, wal akhiratu khayrun wa abqa, et l'au-delà est meilleur et plus durable. Allons-nous enfin comprendre et méditer ces versets que beaucoup lisent et connaissent même par cœur. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.